both might say. And the heart, it will not be denied. Two are both on the same damn side. All the barriers go all the way. I said, please, talk to me. Won't you please come talk to me? Just like it used to be. Come on, come talk. Voilà, Peter Gabriel, Talk to me, come on, talk to me, c'est ce que j'irai tout à l'heure, phone me, talk to me. Il y aura un concours tout à l'heure avec des magazines et disques à gagner. Voilà, donc Peter Gabriel, extrait du premier album, Us, c'est-à-dire nous, qui vient de sortir il y a un petit mois, même pas. On continue avec les vieilleries, comme dirait l'autre. Emerson, Lake and Palmer, et oui, ils sont toujours vivants. Mais comme dit le proverbe, c'est dans les vieux pots qu'on fait souvent les meilleures soupes. Emerson, Lake and Palmer, Black Moon, c'est un nouvel album et fort percutant. Et en tout cas, tout à fait dans la lignée des grandes réalisations des années 70. Emerson, Lake and Palmer sur Brume et Bande à part, l'émission du rock progressif. Ain't nobody gonna walk on water when it falls like acid rain. Emerson, Lake & Palmer, Black Moon, superbe retour espéré et un album bien percutant pour une histoire de maudire et de démédire sur le rock progressif. Et bien c'est raté, le progressif c'est également du rock. On continue avec un grand, après Peter Gabriel, Emerson, Lake & Palmer, on peut continuer aussi avec Aragon, c'est un futur grand, ça j'en suis persuadé. En tout cas, nous les avons bien éblouis avec leur premier album. Voici un deuxième mini-CD, là. Ce n'est qu'un mini CD, c'est je dirais très rapidement les fonds de tiroir d'un futur album qui devrait paraître je pense l'année prochaine. C'est publié par le label SI de Siminfo, donc un label hollandais. On en reparlera, c'est un label qui a le vent dans les voiles. En tout cas, voici donc le mini CD The Meeting, la rencontre, la réunion, Aragon, et c'est australien et c'est sur Brume bien sûr. Aragon. In their eyes desire is waiting, and I give passion for their blood. Within my faith I'll give you all you need. Under my wing I'll guide you home. Come let me bathe you in my light. and gentlemen. Don't drink and drive. This is Radio Caroline, the home of the British. Explosion. 10% of road accidents are caused by drunken drivers. From the standard model to the automatic zigzag, there's a Novum machine for every woman. Novum is the answer to every woman's dream. Can you tell me where my country lies? Brightly uniformed to his true love's eyes. Lies with me, cried Queen of Maybe, for her merchandise he traded him his price. Pay for late, cried a voice in the crowd. Old man dies, the note he left was signed Old Father Thames. It seems he drowned, selling England by the pound. Citizens of hope and glory, time goes by, it's the time of your life. Easy now, sit you down, chewing through their wind. Young man says you are what you eat, eat well. Old man says you are what you wear, wear well. You know what you are, you don't give a damn. Burst in your belt, it is your homemade sham. The captain leaves. Nostalgie, quand tu nous tiens un petit document inédit et superbe de 73 Genesis Live, Genesis en public. Ah là là, ça ne nous rajeunit pas tout ça, comme dirait ma concierge. On continue avec une petite nouveauté. Je rappelle pour ceux qui viennent de se lever, et il y en a encore qui sont encore dans les bras de Morphée, Peter Gabriel, Emerson, Lake et Palmer, Aragon, c'est ce qu'ils ont raté jusqu'à maintenant. S'ils sont sages, s'ils me téléphonent, eh bien, on pourra peut-être s'arranger et rediffuser un extrait de tout le programme que j'aurai l'honneur, le plaisir et l'avantage de vous présenter ce matin. Un, ou peut-être deux, allez, deux extraits, va. 78 89 45 05, je rappelle pour ceux qui sont un peu lents du stylo, 78 89 45 05. Réveillez-vous bien, prenez une douche, car il y aura des cadeaux à gagner, des cadeaux, oui, j'ai bien dit, non pas des canaux, non, je sais bien que je rame un peu aussi, des cadeaux à gagner, 45 tours, rabolement à 6 dragons, que sais-je encore, de quoi s'éclater la tête. Et en attendant, eh bien, on va continuer notre exploration en apnée dans les nouveautés, une mer de nouveautés, une invasion de nouveautés, un typhon. Après Peter Gabriel, voici Asgard. Pourquoi je fais la liaison? Parce que Asgard est un groupe italien qui a enregistré en Allemagne et qui est fortement influencé par Genesis, le Genesis de Peter Gabriel. Voilà, plus aussi une forte influence aussi de Marillion. Mais qui c'est qui a dit dans le fond de la salle que c'était la même chose? Asgard Arcana, c'est un nouvel album, le troisième. Ils n'arrêtent pas les bougres, ils sont productifs, c'est un délire. Alors, n'hésitez pas à acheter leur production, car non seulement ils sont productifs, mais c'est de la très haute qualité. Asgard Arcana, c'est sur Music is Intelligence, ça c'est le nom de l'album, on se bouge pas du pied, c'est allemand, Asgard. Je ne sais pas comment vous êtes de l'autre côté de poste à transistor. Moi, du côté de mon micro, je fonds littéralement. Je trouve ça absolument superbe. Asgard, A-S-G-A-R-D, un grand groupe en futur, en devenir. C'est leur troisième album, ils préparent déjà leur quatrième. C'est un groupe italien, et oui, incroyable mais vrai, qui enregistre en Allemagne. Et c'est donc Arcana, troisième opus, en vente dans toutes les bonnes boucheries, bien sûr, bien entendu. Pour être un bon présentateur radio, un bon disque jockey, il y a des recettes. Par exemple, on peut s'amuser et s'appliquer à faire terminer et recommencer un morceau, enfin deux morceaux, par le même instrument. Je m'explique. Un morceau d'un groupe A se termine par du piano. Le morceau suivant du groupe B se continue avec du piano. Ça, c'est les pros qui font ça. Il y a aussi quelque chose un petit peu plus subtil, c'est continuer dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que le morceau d'Asgard que vous venez d'entendre, eh bien s'intitulait The Queen of Ice, c'est-à-dire la Reine de la Glace. Eh bien on va continuer avec Shadow Gallery, Cocorico, Cocorico, avec la Reine de la Cité de la Glace, The Queen of the City of Ice. C'est pas beau, tout ça? Shadow Gallery, c'est une nouveauté américaine. Album du même nom. I have come here for so long, I never have. come.